Bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge en votre compagnie sur Fadjet pour un nouveau rendez-vous de coup de cœur, pas n'importe lequel puisque c'est le premier de l'année 2023. J'espère que vous allez bien, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit optimiste et puis qu'on ait le moins de soucis possible, bien sûr la santé c'est très important. Quoi qu'il en soit, Fadjet sera là pour vous accompagner, c'est une certitude. On va découvrir ensemble ce premier classement des hits coup de cœur 2023. Alors là, beaucoup de changements par rapport au classement de décembre. Je vous résume la chose. Pas moins que 9 entrées sur 15 titres, c'est énorme. 3 dégringolades, 3 progressions. Alors on va tout de suite découvrir ça dans les moindres détails et surtout en chanson en écoutant le numéro 15. Alors le numéro 15, c'est un collectif de chanteurs stars des années 80 qui ont revisité leur titre culte avec Sid Action pour sensibiliser les plus de 50 ans notamment. Il faut savoir que plus d'un quart des découvertes de séropositivité concernent les plus de 50 ans, indique cette même association. Comme Lio, que nous allons écouter, qui occupe la 15e place, d'autres artistes ont réécrit et réenregistré leurs grands classiques pour en faire des tubes qui protègent. On retrouve notamment Jean-Pierre Madère qui chante « Macumba, elle prévoit », également le groupe Partenaire Particulier qui devient « Partenaire bien protégé » au niveau du titre, et puis Dev, on l'a écouté il y a quelques semaines, qui a pris le micro pour « Protéger » du côté de chez Swan. Enfin, Émile et Image a remixé son tube en protégé jusqu'au bout de la nuit. C'était Lio qui occupe cette place, je pense très justifiée, parce que ce type d'intervention a plus d'impact que des messages parlés, que des messages trop sérieux. Et puis en robe là, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors maintenant, en 14e place, c'est un des événements musicaux de la rentrée dernière, la sortie du nouveau single des Corréziens, 3 cafés gourmands. Sachez que le titre qui obtient la 14e place dans notre classement a été coécrit et composé par Jean-Jacques Goldman. C'est quand même une collaboration de prestige. Ce n'est que du positif. On les écoute dans Quand. Quand le printemps, c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps. Dis, c'est quand? Dans combien de temps? Est-ce demain, après-demain? Ça fait trop longtemps qu'on attend. Est-ce bientôt? Jamais. Mais quand? Quand? L'égalité, quand? C'est quand l'union de celles et ceux, divisés, pas si différents. Dis, c'est quand? Mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse. Y'a que des gagnants dans ce camp. La conscience quand? Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences? Oui, mais quand? Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science? Ou bien tout miser sur la chance? Ne plus jamais. Demandez quand. Mais nous c'est maintenant. Mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant. T'es maintenant, maintenant. Tout le temps c'est urgent. Oui, nous c'est maintenant. On n'a plus le temps. Offenser nos pensées, nos passés. Oui, mais prêt à tout recommencer. Non, maintenant. Quand la paix c'est pour quand? C'est dans nos livres et nos chansons, mais c'est jamais là pour de bon. Dis, c'est quand? Mais qui nous entend? L'accord, l'harmonie, la raison. N'est-ce qu'un rêve, une illusion? La fin du sang des gens. Mais quand? La sagesse quand? L'âge de raison, l'âge de courage. Mais qui sommes-nous vraiment? Dis, c'est quand? Le discernement, la prudence avant le jugement. Un jour enfin plus tolérant. Oui, mais quand? La justice quand? Combien de discours en avant, demi-tour? Quand? Moi j'ai plus le temps. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Et nous c'est pour quand? Des titres entraînants, des titres pour faire la fête, mais malgré tout, ça parle de notre société, de notre environnement. Regardez, Lio qui est en 15e place, 3 cafés gourmands en 14e place. Alors, celle qui suit, elle obtient la 13e place. Elle est connue pour ses chansons à histoire. Elle a vendu plus de 4 millions d'albums en février 2015, c'était les dernières statistiques. Il s'agit de Linda Lemay, auteure, compositrice, interprète et guitariste québécoise. Elle est née à Portneuf en 1966. On va écouter Maintenant que les hommes, avec la participation spéciale de Mara Tremblay au violon. Vous allez vous en apercevoir si vous ne connaissez pas cette chanson. Il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de vérité. Maintenant que les hommes se rasent les jambes, autant que les femmes se font des brosses. Maintenant que les femmes se tatouent des encres, autant que les hommes s'épilent le torse. Maintenant que les femmes brassent des affaires, autant que les hommes tiennent des biberons. Maintenant que les mâles font la tourtière, qui se font manger au réveillon par des femmes aux bedaines de bière, qui portent fièrement le pantalon déboutonné à la lisière d'un spectaculaire buisson. Maintenant que les femmes ont assez de couilles pour initier la grande demande, maintenant que les femmes s'agenouillent sans oublier qu'elle reste grande. Maintenant que le quart des princes charmants s'enduisent les ongles de vernis, farcissent les oreilles de diamants avant toute bonne cérémonie. Maintenant que les femmes se bodybuildent, pendant que les hommes se prennent des smoothies, que les femelles parlent de bolides, pendant que les hommes se prennent en selfie. Maintenant que les hommes ont la voix douce, autant que les femmes ont des gros grains. Maintenant que les hommes vont faire les courses, un chihuahua dans le sac à main. Maintenant que les hommes ont des petites frousses le soir dehors, quand il fait noir, quand il y a des soulanes à leur trousse, et que ça les fait changer de trottoir. Maintenant que les hommes sont enfin libres de porter le kilt ou bien la toge, et que les femmes sont enfin libres de foutre en feu leur soutien-gorge. Maintenant que les copains, copines s'en vont se cacher au même endroit pour se faire gonfler un bout de babine ou se faire amputer une patte de doigt. Maintenant que les filles autant que les gars pratiquent le jeûne intermittent. Maintenant que Roger fait du yoga, maintenant que Rita coule du ciment. Maintenant que c'est même plus cocasse qu'un mâle sanglote d'émotion en racontant qu'à Las Vegas il est allé voir Céline Dion. Hit parade numéro 13. Maintenant que les femmes payent l'addition après la date au restaurant, maintenant que les hommes font attention avant de payer des compliments, puis qu'ils draguent juste à condition d'avoir des gants blancs jusqu'au bras, puis qu'ils pèsent juste à condition d'avoir deux doses de Moderna. Même s'il y a encore du travail à faire avant l'égalité, reste qu'à force de petits détails, on est en train de s'améliorer. Maintenant que les choses ont bien changé, qu'on est de plus en plus content, faudrait quand même pas oublier de dire merci, Jeannette Bertrand. Merci Madeleine, merci Simone, merci Gisèle, Dédé Drummond, merci Benoît, merci Josiane, merci de vous battre au nom des femmes. Merci maman, merci ma tante, petite et grande militante. Merci aux lois qui se réforment, merci d'ouvrir les bras. Merci d'ouvrir les bras, les hommes. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, plein d'entrées dans ce classement, ce premier classement de 2023. 15e position, c'était Lio. 14e, 3 cafés gourmands. On vient d'écouter Linda Lomé qui occupe la 13e place. Le 12e, alors lui, il avait été surnommé la grenouille. Il est attachant, il a toujours eu le même talent, il est extraordinaire. Un extrait de son dernier album, Je tomberai pas, c'est bien sûr Christophe Willem. Je comprends pas mon histoire. Trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie, je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution, j'attends pas la révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire, en feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur. s'effondre. Je vendrais pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrais pas mon âme au diable. Je tomberais pas dans le pas. Plus de frères, où tu brilles, où tu perds, je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Chose importante, mesdames et messieurs, c'est Christophe Willem qui sera à l'honneur la semaine prochaine dans notre émission Coup de cœur. Et bien sûr, ça nous permettra d'écouter beaucoup de chansons de Christophe et puis de revenir sur sa carrière. Vous apprendrez peut-être quelques détails que vous ne connaissez pas. On revient tout de suite à nos hits coup de cœur pour écouter celui qui se trouve en 11e position. Alors, son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose. Il s'appelle Gianni Polizzi. C'est un monsieur qui nous a quittés en 2014 et il a fait une carrière en reprenant beaucoup de titres de Richard Cocciante notamment, mais également Mon Vieux de Daniel Guichard. Et cette chanson a une sonorité quelque peu différente. Il occupe aujourd'hui la 11e place pour la sortie de son best-of. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la grève, qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. C'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et oui, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous on connaissait la chanson, tout y passait bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion.

ma main dans tes cheveux. Toute l'équipe de Fadjet vous souhaite une belle année 2023. Alors la huitième place, elle est occupée par Marc Fichel. Je vous l'ai présenté le mois dernier, Marc Fichel. Il travaille au Hall de Rungis et il fait de la musique. Il aime chanter. Son titre, L'amour de vacances, donc en huitième position. En septième position, c'est la plus forte progression de notre classement. Della Lucia et Garou, le duo extrait de l'album Mezzu Mezzu numéro 2, peut-être qu'un jour. Un duo entre artistes corse et artistes du continent. C'est très agréable à écoutez, je vous le rappelle, progression de 7 places. Numéro 8. L'amour est un phénomène bizarre. Je me rappelle l'avoir croisé un soir, sans crier gare et sans fortune. Je me souviens de cette brune. Elle sentait bon la joie de vivre, comme un parfum qui vous enivre. Quelques années nous séparaient, quelques sourires nous rapprochaient. C'était l'amour de vacances, l'amour d'une chance. C'était un mois d'été, léger, parfumé. C'était la tendresse d'un soir, la plus belle histoire. La douceur d'une nuit, un mélange de nos vies. C'était l'amour de vacances, un amour intense. C'était fou, improbable, écrit sur le coin d'une table, comme une évidence. Prendre le train en avance, sur le quai je t'attendais. Notre histoire commençait. Elle parlait toujours avec ses mains, de nos projets, de notre chemin. Elle nous rêvait déjà très loin. C'était si simple et c'était bien. Elle allumait toutes mes pensées, comme un écran sur un mur blanc. Colorier notre destin, un arc-en-ciel un peu divin. C'était l'amour de vacances, l'amour d'une chance. C'était un mois d'été, léger et parfumé. C'était la folie d'un soir, ma plus belle histoire.

mes espérances, celles d'une longue vie qu'on disait plus belle. Allez, on remonte tranquillement ce classement vers la première place. Qui occupe la première place? Est-ce un nouveau venu, une nouvelle venue ou quelqu'un qui figurait déjà dans nos titres en décembre dernier? Vous le saurez dans quelques minutes. La sixième place, on va en parler. Il entre directement à cette sixième place. C'est un monument de la chanson française. Il fait plaisir à des centaines de milliers de fans dans notre pays. Il sort un inédit. On l'a déjà écouté. Il occupe donc la sixième place. Souris-moi, Michel Sardou. La cinquième place, quant à elle, est occupée par Sheila. Elle est présente depuis le début dans notre classement. Elle perd quatre places puisqu'elle était numéro 1 avec un réenregistrement d'une chanson qui a une quarantaine d'années. Ça s'appelle Samedi soir. Hit parade numéro 6. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée des larmes, tu verras. Ça nous fait du bien, ça nous dit combien notre cœur nous tient. Toi qui doutes qu'il reste un fou qui t'aime, qui te voûte sous le poids des problèmes, qui écoute que des ombres à voix lasse, qui regarde la route et n'y voit qu'une impasse. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée des larmes, tu verras. Ça nous fait du bien, ça nous dit combien notre cœur nous tient. À ta montre, il n'est plus l'heure du tout. Les rencontres que tu fais, tu t'en fous. Si tu rêves d'avoir des jours meilleurs, va falloir que tu crèves ce nuage intérieur. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée, ça nous dit combien notre cœur nous tient. Laisse aller tes larmes, souris-moi. Laisse aller ton âme, tu verras. Pas besoin d'armure, fais pleurer les murs et puis souris-moi. Souris-moi. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Thank you. Dans quelques minutes, vous allez découvrir le trio de tête de notre classement Hit Coup de cœur. Par contre, à la quatrième position, ça méritait vraiment qu'on s'y attarde un petit peu plus longtemps. En effet, c'est une très grande surprise que nous a réservée Mylène Farmer le 9 décembre dernier, avec la sortie d'un nouveau duo. Son 12e album studio, qui s'appelle L'Emprise, connaît déjà un très grand succès, puisqu'il s'est classé numéro 1 en France, en Belgique wallonne et en Suisse, pour sa première semaine. Il a également réalisé le meilleur démarrage de l'année, en vente pure, pour un album en France, où il était certifié disque d'or en quelques jours. On attendait la potentielle annonce d'un nouvel extrait, mais une fois encore, Mylène nous a tous pris de court en quelque sorte. Ghosts, c'est une chanson écrite et composée par Matthew Bellamy et que l'on retrouve sur l'album de Muse, le groupe Muse, qui s'appelle Will of People, qui est sorti en août dernier. Dans cette nouvelle version, Mylène a adapté une partie du texte en français. On l'écoute tout de suite, elle occupe la quatrième place de notre classement. Now and then, my mind drifts to a place where I find you. Lost in my head, there are unsolved feelings that haunt me. It's too late to heal, I'll lay them to rest. How can I move on when everyone I see still talks about you? How can I move on when all the best things I have we made together is to let it go? But I am lost in a void with your ghost and our memories, lest we forget the great reset. Hit parade numéro 4. Vous voulez découvrir les nouveautés qui deviendront des tubes ou les tubes actuels? Écoutez notre classement Hit Coup de cœur. Cette semaine, numéro 15, Lio Banana Saves. C'est le dessert que sert mon délectable. En 14e position, une nouveauté, 3 cafés gourmands. Quand ? La paix, c'est pour quand ? C'est dans nos livres et nos chansons. Mais c'est jamais là pour de bon. Dis, c'est quand ? 13e position, une entrée encore, Linda Lemay. Maintenant que les hommes sont enfin libres de porter le kilt ou bien la toge, et que les femmes sont enfin libres de foutre en feu leur soutien-gorge, maintenant que les copains, copines s'en vont se cacher au même. Je tomberai pas 12e, c'est Christophe Willem. Je tomberai pas dans le bas. En 11e position, une reprise de la chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Dans son Jean vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Et avec un duo en 10e place, Ika Rezaz, Les Animaux Fragiles. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île. Numéro 9, encore un duo, Dalida, Alain Delon, Paroles et Paroles, rock, version 2022. Écoute-moi. Je t'en prie. Les deux plus fortes progressions, 8e, Marc Sichel. C'était l'amour de vacances, l'amour d'une chance, c'était un mois d'été, léger, parfumé, c'était la tendresse d'un soir, la plus belle histoire, la douceur d'une nuit. En 7ème position, plus 7 places pour Della Lucia et Garou. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Je reverrai la mer. Les vagues bleues et les bateaux. 6ème, un monstre de la chanson française, Michel Sardou, Souris-moi, un inédit. Laisse aller les larmes, souris-moi. L'eau salée. Ça nous fait du bien. Cinquième, celle à qui l'on doit une tournée exceptionnelle, Sheila, samedi soir, numéro 5. Je me sens belle, je sors le samedi soir, pas trop tard. Encore un duo de Mylène Farmer, cette fois-ci avec le groupe Muse, Ghosts. How can I sleep with this coldness beside numéro 4. Me? Allez, on va vous révéler les 3 premières places de notre classement, le premier classement de 2023. Alors, je vous l'avais dit, plein de surprises, des surprises énormes. En 3e position, il était présent le mois dernier, mais avec une autre chanson, un nouvel extrait, un nouveau single de Patrick Bruel. Écoutez bien les paroles, elles sont exceptionnelles, extra. On en parle, ça parle d'actualité, bien sûr. Tu traverses la rue, il n'y a plus personne pour t'attendre. Tu traverses le monde, plus personne pour te comprendre. Tu cherches l'amour aux dernières adresses qu'il te reste. Et tu te perds dans les miroirs d'un monde qui se déteste. Qu'est-ce qui nous restera quand on fermera la dernière page du dernier roman, du dernier jour, du dernier orage? Qui nous parlera quand on ne saura presque plus rien? Qui pourra vraiment nous dire ce que veut dire demain? On en parle? On en parle? On en parle, dis-moi? On en parle? J'ai encore peur et je pose les questions d'hier, celles qu'on a noyées, celles qui sont restées en l'air. On a perdu la guerre des idées, du partage. On a quitté la route, sali le paysage. On a tué les jeux des enfants pas trop sages et laissé s'installer les nouveaux dieux du carnage. On bouscule, on bascule, on salit toutes les promesses, les mensonges, les fake news, les trahisons oppressent. On en parle. On en parle. Parle, dis-moi, de cette fumée blanche, de cette terre qui brûle, de ces enfants qui tombent asphyxiés dans leur bulle, de ces ombres qui sombrent au fond des océans, de cette régression amère qui insulte le temps. On en parle. Dis-moi, t'es sérieux, tu fais semblant de pas entendre. Dis-moi, c'est tes yeux, tu fais semblant de pas comprendre. Ce tonnerre qui gronde, qui va tout prendre avec lui, qui va tout emporter sous cette putain de pluie. On en parle. qu'on savait pas, qu'on savait mal, qu'on savait rien. Qu'on sait surtout même plus ce que veut dire demain. On en parle. On en parle. Il parle numéro 3. Une chanson forte de Patrick Bruel, on en parle, elle occupe la troisième place, c'est une entrée, c'est pas la meilleure entrée, elle figure en seconde position, la meilleure entrée, elle a une voix exceptionnelle, on est très nombreux à l'apprécier, elle nous manque, c'est Céline Dion qui a réenregistré La mémoire d'Abraham, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, elle l'avait enregistrée il y a plus de 20 ans, c'est une version 2022, c'est la meilleure entrée dans notre classement. Hit parade numéro 2. Juste une Le retour de Céline Dion tout au moins sur nos platines en attendant qu'elle nous propose un concert. On sera nombreux à s'y rendre, c'est une certitude. Elle occupe la deuxième place, c'est la meilleure entrée de notre hit coup de cœur, La mémoire d'Abraham, réenregistrement 2022. Alors qui sont les premiers ? Qui sont les premiers ? Si vous nous écoutez chaque semaine et chaque mois, vous avez deviné que cette alchimie, elle nous plaît beaucoup entre les voix de Slimane et Lazara. Numéro 1 de notre classement, Les Amants de la colline. Hit parade numéro 1. Que le diable t'emporte, c'est pas l'heure, et qu'il frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire? T'étais pas si mauvaise. Laisse-toi faire. Moi j'inspire, toi t'expires, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire, mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline vont descendre, redescendre. Reste petite copine, fumée jusqu'à la cendre. Les amants de la colline. étions. Continue. Et je vais, je viens. Je suis nu. On oubliera demain. Ça c'est sûr. C'est ici, pousse la main. La blessure. Moi j'inspire, toi t'expire. Et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire. Mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire. Et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colline montent, descendent, redescendent. Reste petite copine, fumée jusqu'à la cendre. Les amants de la colline, perchés sur une étoile. Les amoureux du spleen continuent même pas mal. Eh bien voilà, c'est terminé. Quelques secondes pour vous dire au revoir. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau classement des hits coup de cœur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur Christophe Willem. On se donne rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au podcast www.fadjet.net. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Salut !